Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui dans la chronique, je vous emmène en Tasmanie sur les traces d'un animal disparu qui fait parler de lui, le thylacine. J'aurai ensuite la chance de recevoir la docteure Charlotte Duranton qui a réalisé sa thèse au laboratoire de psychologie cognitive de l'université Aix-Marseille et au refuge d'association AVA sur la relation entre le chien et l'humain. Fondatrice d'EtoDog, formatrice, également diplômée en anthropologie, elle vient aussi nous parler du nouveau tournant dans sa carrière qui l'a amenée à étudier la figure du chien psychopompe à travers le prisme de la littérature de jeunesse. Bonjour Charlotte et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Nous avons trouvé un thylacine. Le titre s'étale en lettres capitales au-dessus de la vidéo postée hier, le 22 février 2021, sur la chaîne YouTube du Thylacine Awareness Group of Australia, le TAGOA. Pendant 3 minutes 20, on y voit Neil Waters, son président, un grand monsieur australien barbu et bien charpenté, annoncer que ses pièges photographiques ont capté l'image qu'il attendait. Pendant que la vidéo défile, alors que ses yeux pétillent et que son sourire s'élargit, il annonce avoir la preuve de l'existence non pas d'un thylacine, mais de trois. Deux adultes et un petit. Son assurance et sa joie ne peuvent que donner le frisson. Les photos ont été envoyées aux autorités compétentes, en l'occurrence Nick Mooney, le conservateur honoraire du département de zoologie des vertébrés au Tasmanian Museum and Art Gallery de Hobart. Neil Waters déclare que les photos doivent être révélées publiquement le 1er mars. Bientôt! Et il conclut en levant sa canette devant sa caméra « Bravo tout le monde, on l'a fait, cheers !» La vidéo postée hier compte déjà plus de 100 000 vues et près de 500 commentaires. Il y a les sceptiques, bien sûr, mais aussi ce vibrant frisson d'espoir qui fait qu'on veut y croire. Mais pourquoi serait-ce si extraordinaire ? La faune australienne et tasmanienne comporte tant de chimères et d'animaux fabuleux, une de plus ou de moins, quelle différence ? Le thylacine, ou bien tigre, ou encore loup de Tasmanie, est clairement à part. Plus grand prédateur endémique de Tasmanie, il ressemble à un loup, possède une longue mâchoire impressionnante et exhibe de superbes rayures sur le dos. D'où les appellations de tigre et de loup. Endémique de Tasmanie, mais aussi présent en Australie et en Nouvelle-Guinée jusqu'à il y a 2000 ans environ, le thylacine est avant tout un marsupial. Comme le kangourou ou le koala, les petits restent plusieurs semaines dans la poche de leur mère. Tel son cousin, le diable de Tasmanie, rendu populaire par le personnage Taz des Looney Tunes, le thylacine s'est rapidement attiré les foudres des colons européens installés sur l'île dès 1803. Amateur de poules qu'il croque parfois la nuit tombée, sa tête est mise à prix dès 1830. En 1888, le gouvernement tasmanien offre une livre pour chaque adulte tué et 10 shillings par juvénile exterminé. En 1909, c'est plus de 2180 primes qui ont été distribuées. Mais au début des années 1930, on s'interroge. On s'inquiète même un peu. Qui a vu un thylacine récemment ? Après plus d'un siècle d'extermination, l'animal est devenu rarissime. En 1936, son statut change et il devient protégé. Mais il est trop tard. Benjamin, le dernier animal vivant, connu, s'éteint aux eaux Beaumaris de Hobart 59 jours après ce changement de statut, le 7 septembre 1936. Mais rien n'arrête les doux rêveurs. La Tasmanie est un grand territoire de plus de 68 000 km², désert et sauvage. Des thylacines existent encore peut-être quelque part, cachés dans le bush, loin de la folie des hommes. C'est en tout cas ce qu'on veut croire. En 2005, le journal australien The Bulletin promet une récompense d'1,25 million de dollars à quiconque pourra capturer un thylacine vivant. Si le journal a bien entendu conservé sa prime, faute de candidats, les témoignages continuent d'affluer. Pas moins de 8 personnes ont reporté officiellement avoir vu le marsupial tigré entre septembre 2016 et septembre 2019 auprès des autorités tasmaniennes. Certaines observations, comme celle faite par un ranger de parc naturel en 1982, continuent d'entretenir la flamme. Et les chercheurs, même s'ils ne sont pas tous unanimes, continuent à y croire aussi. C'est le cas de Barry Brook et de son équipe. Ils publient en préprint sur le serveur BioArchive en janvier 2021 un article où ils analysent en détail 1237 entrées géolocalisées enregistrées entre 1910 et 2019, classées des plus sûres aux plus fantaisistes. Enregistrement de la présence physique de l'animal lors de capture ou d'abattage, témoignages d'observation de l'animal, triés sur le volet et issus de sources de première main, bushman, scientifique, membre officiel des parcs, et badauds ordinaires. Les outils statistiques et les modélisations leur permettent de recréer une carte de la distribution des animaux et de mieux évaluer la date exacte de leur extinction. Leur conclusion ? L'équipe explique que si l'animal est bel et bien éteint, les derniers spécimens auraient disparu à la fin des années 1990 ou au début des années 2000 et non pas en 1936 comme on le pense couramment, protégés des regards indiscrets grâce à un habitat sauvage et reculé. L'existence du thylacine est donc improbable, mais possible. Entre-temps, Nick Mooney, le conservateur du Muséum d'Hobart, a eu le temps d'analyser les photos de Neil Waters. Et son annonce, publiée ce matin, fait l'effet d'une douche froide. Les trois animaux photographiés seraient en réalité des pademélones, ou tilogales, qui sont en réalité des animaux très proches des wallabies. En attendant de voir les clichés, la quête continue. Et nous revoici avec notre invitée, la docteure Charlotte Duranton, qui a réalisé sa thèse au laboratoire de psychologie cognitive de l'université Aix-Marseille et au refuge de l'association AVA sur la relation entre le chien et l'humain. Fondatrice d'EthoDog, formatrice, elle nous parle aujourd'hui de la relation qui nous unit à l'un de nos animaux de compagnie le plus fidèle, le chien. Alors, au cours de vos recherches, vous avez étudié la relation entre le chien et l'humain, et plus précisément, la synchronisation comportementale. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la synchronisation comportementale, en fait, c'est un mécanisme biologique qu'on connaît chez toutes les espèces, qui a été énormément étudié chez l'humain, chez les oiseaux et chez tous les autres types de mammifères. C'est le fait de se comporter de manière simultanée, c'est-à-dire de faire la même chose en même temps et au même endroit. Ça a un véritable avantage adaptatif, donc c'est utile pour les animaux qui se synchronisent. Ça permet de mieux survivre, par exemple en se protégeant contre les prédateurs. Ça permet de mieux survivre parce que on peut mieux soigner ses petits, donc les défendre mais aussi les allaiter en même temps. Ça permet également de resserrer les liens entre individus. Plus les membres d'un groupe se comportent de manière synchronisée, plus ça veut dire qu'ils s'entendent bien. Donc en éthologie, on dit qu'ils sont affiliés. Chez l'humain, on sait qu'on va se synchroniser beaucoup plus avec quelqu'un qu'on apprécie. Donc des amis ou des membres de notre famille. Et inversement, si on veut que quelqu'un nous apprécie, par exemple quand on flirte sans même s'en rendre compte, on va essayer de se synchroniser avec l'autre personne. Parce que vraiment, voilà, la fonction la plus importante de la synchronisation, c'est que ça permet de resserrer les liens entre les individus. Et donc nous, on l'a étudié chez le chien, entre le chien et l'humain. Que certes, ça a été très étudié chez l'humain, mais il y a vraiment absolument rien chez le chien. Entre chiens, il y a quasiment eu aucune observation qui se sont concentrées sur la synchronisation comportementale. Donc il y a Scott et Fuller qui l'ont juste décrit dans un de leurs ouvrages, il y a même pas une phrase dessus. Donc ils disent que les chiens aboient de manière synchronisée lorsqu'ils sont en groupe. Mais voilà, il n'y a pas plus de choses. Et entre chien et humain, à ma connaissance, il n'y avait vraiment aucune donnée. Et donc, on a décidé de s'y intéresser. Et du coup, au niveau de cette synchronisation, chez le chien, quel type de comportement on peut observer qui sont comme ça, qui ont lieu au même moment ? Alors nous, on s'est vraiment intéressé sur la synchronisation spatiale, locale, c'est-à-dire la distance des individus les uns envers les autres et donc, inversement, leur proximité. Et on s'est concentré sur l'observation des déplacements. Est-ce que, par exemple, quand un humain se déplace dans une certaine direction, est-ce que le chien va aller dans la même direction? Et si oui, à quelle distance est-ce qu'il reste de l'humain? On va aussi observer la vitesse de déplacement. Est-ce que quand l'humain marche lentement, le chien va marcher lentement? Et au contraire, si l'humain accélère, le chien va accélérer également. On s'est aussi concentré sur la synchronisation de la direction du regard. Est-ce que si l'humain regarde dans une direction, oriente son corps ou sa tête dans une direction, est-ce que le chien va faire attention à la même chose, va s'orienter dans la même direction? J'ai également étudié ça dans une étude entre les chiens. Donc vraiment la même chose. Est-ce qu'ils vont dans la même direction? est-ce qu'ils reniflent au même endroit, est-ce qu'ils maintiennent une certaine proximité entre eux. Voilà, ça c'est les comportements que nous, on a observés pendant toutes les études que j'ai réalisées. Mais c'est assez fou que cette histoire de synchronisation n'ait pas été plus étudiée, parce qu'on pourrait se dire, quand on a plusieurs chiens, ils auront tendance à avoir les mêmes comportements au même moment. Ça, il n'y a pas eu plus d'études que ça sur la question. En fait, il y a un double problème. Il y a le problème du modèle biologique qu'est le chien. C'est un animal qui est tellement intégré dans notre société, intégré dans nos foyers, que tout le monde a l'impression de tout savoir. Et du coup, ça intéresse assez peu de faire des études vraiment scientifiques, parce qu'on pense qu'on connaît tout et que donc on va rien apprendre de plus. L'autre problème, c'est que les chiens sont considérés comme une espèce presque artificielle. C'est très difficile pour un éthologue et un scientifique de se dire le milieu naturel du chien de compagnie, c'est son milieu dans une famille d'humains. C'est pas du tout instinctif. On pense plutôt aux chiens ou à toutes les espèces qui vivent en groupe dans la nature. Donc là, ce seraient les chiens errants. Mais le chien de compagnie, qui lui vit dans une famille d'humains, souvent seul, pas toutes les familles ont plusieurs chiens, et il voit d'autres congénères uniquement pendant les promenades. Donc c'est très difficile du coup d'observer des groupes stables, d'observer des chiens qui se connaissent et qui vont interagir sur du long terme. Parce que ces comportements de synchronisation, ils apparaissent sur du long terme et quand on observe le même groupe plusieurs fois par exemple. Donc voilà, il y a ces deux problèmes-là. Et il y a même, je pense, un troisième problème, c'est que le chien est considéré comme un animal très dressé. Donc comme il est éduqué par les humains pour suivre en laisse, s'asseoir quand on lui demande de s'asseoir, ne pas sortir en courant du jardin par exemple, toutes ces choses-là qui font qu'on lui apprend à ne plus avoir ses comportements spontanés. C'est difficile de penser à observer des comportements avec un chien libre. Nous, dans toutes les études, j'ai toujours voulu que le chien soit sans laisse pour être totalement libre. Les humains n'avaient pas le droit de parler à leur chien pour être sûr de ne pas les influencer. Et même pour éviter des problèmes, on a demandé expressément que les chiens qui participent à nos études n'aient pas fait de dressage intensif, de marche au pied ou de choses comme ça qui pourraient biaiser leur réaction en fait. Donc voilà, il y a ces trois choses-là qui font que c'est un modèle biologique plus difficile à étudier sur cette notion de synchronisation que d'autres espèces qu'on va pouvoir observer en groupe dans la nature, dans leur environnement naturel, sans qu'il y ait aucune perturbation extérieure. Et vous disiez que la synchronisation, ça n'apparaissait pas tout de suite. Ces comportements, on peut penser qu'ils apparaissent au bout de combien de temps ? Alors, pour le moment, pas de données, en tout cas chez le chien. Ce qui est sûr, c'est que ces comportements-là sont liés à l'affiliation. Donc, ils sont liés à l'amitié, on pourrait dire, donc ou au lien d'attachement que les individus vont avoir les uns pour les autres. Chez le chien, pour le moment, les études qui ont été publiées n'ont été faites sur des chiens adultes qui vivaient dans leur famille depuis au moins 6 mois, voire 1 an. D'accord. Cependant, j'ai fait une étude récemment, mais qui n'est pas encore sortie. On est à la fin des analyses statistiques et vidéos, où on a étudié l'existence de cette synchronisation entre les chiots et les humains. On a pris des chiots âgés de 1 mois et de 2 mois, et on a regardé est-ce qu'ils se synchronisaient avec la personne qui s'occupe d'elle au quotidien. Et ce qui semble se dessiner, c'est qu'à 1 mois, les chiots se synchronisent assez peu avec leur humain, parce qu'à cet âge-là, ils sont quand même beaucoup plus proches de leur mère et de leur fratrie. Alors qu'à 2 mois, là vraiment, ils sont plus dans l'interaction avec l'humain et font plus attention à ce que fait l'humain. Et peut-être aussi qu'ils ont eu du temps pour développer un lien avec lui. Et ils montrent beaucoup plus de synchronisation. Voilà où on en est pour le moment, mais j'ai pas plus de précision que ça et d'informations publiées et validées scientifiquement. Mais c'est en cours. Oui. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une synchronisation aussi bien entre deux espèces différentes que sont l'humain et le chien, mais aussi du coup entre chiens entre eux. Oui, alors la majorité de mon travail s'est portée sur la synchronisation entre deux espèces, donc entre le chien et l'humain. Mais après la thèse, j'ai réalisé une étude aussi sur la synchronisation entre chiens entre eux. Et donc là, c'était pendant une balade. Je mélangeais des groupes de chiens qui se connaissaient et qui se connaissaient pas. Et le but, c'était d'observer est-ce que les chiens qui ont l'habitude de vivre ensemble, qui donc sont supposés avoir des liens plus forts qu'avec un chien qu'ils ne connaissent pas, vont plus se synchroniser ensemble, entre eux, qu'avec les chiens qu'ils ne connaissent pas. Ça peut sembler vraiment évident, mais en fait, on sait que les chiens, ce sont des animaux qui sont néophiliques, ils aiment la nouveauté. Ils adorent aller découvrir une nouvelle odeur, voir un nouveau copain chien, voir un nouvel humain. Donc, on se serait attendu à ce que finalement, ils passent plus de temps avec les nouveaux chiens, parce qu'ils auraient cette sorte de curiosité pour la nouveauté. Et finalement, on a vraiment observé l'inverse. Les chiens passent plus de temps proches des chiens qu'ils connaissent. Si leur copain chien, entre guillemets, s'éloigne, ils vont d'eux-mêmes le suivre et se rapprocher de lui pour maintenir cette proximité. Donc le fait qu'on se synchronise avec un individu avec qui on est très proche, on est attaché, ça se retrouve entre chiens et humains, mais ça se retrouve aussi entre chiens. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a trouvé comme résultat donc l'existence de cette synchronisation comportementale entre les chiens et les humains, mais dans les deux sens. Donc elle existe du chien vers l'humain. Donc on a montré que les chiens, ils se synchronisent beaucoup plus avec une personne envers laquelle ils ont un fort lien d'attachement. Mais on a aussi montré qu'ils sont sensibles à la synchronisation de l'humain sur leur propre comportement. Donc en gros, c'est une étude où on a fait rencontrer des personnes inconnues à des chiens et on demandait à ces personnes inconnues soit de se synchroniser avec le comportement du chien, donc de marcher dans la même direction que lui, de s'arrêter s'il s'arrêtait, de regarder dans la même direction, etc. Soit on demandait à la personne inconnue de se comporter de manière aléatoire lorsqu'elle rencontrait le chien, sans vraiment prêter attention à lui. Et après, on a fait ce qu'on appelle un test de préférence. Donc on représente ces deux personnes-là au chien, et on regarde vers laquelle il va préférentiellement. Et ce qu'on a trouvé de manière très claire, c'est que les chiens vont préférentiellement vers la personne qui s'est synchronisée avec eux. Alors, c'est vraiment pas grand-chose comme synchronisation, c'était simplement les déplacements et la direction. Mais rien que ça, les chiens, ils y sont sensibles, et ça modifie leur affiliation, leur intérêt et leur confiance envers une nouvelle personne peut être modifiée comme ça en fonction du comportement de cette personne-là. Et ça, c'est très important, notamment dans tout ce qui va être lié aux problématiques sociétales de morsure lorsqu'on rencontre un chien inconnu, ou pour expliquer aux enfants comment se comporter pour que le chien les apprécie, ou en tout cas ait moins peur d'eux. Ça a l'air de rien, mais finalement, les applications sont multiples et sont essentielles. Ouais, c'est fou. Et puis c'est fou que ça marche aussi rapidement. C'est vrai que moi je pensais qu'il faudrait vraiment que le chien connaisse la personne, l'ait vu à plusieurs reprises, mais au final là, le temps de l'expérience c'était vraiment très rapide. Alors dans l'expérience, c'était 3 minutes seulement, mais c'était des chiens qui n'avaient aucun problème de peur envers les inconnus. Je pense qu'avec un chien qui est mal à l'aise envers les personnes qu'il ne connaît pas, là il faudrait plus de temps. Et aussi, c'est une synchronisation qui n'est pas directement dans l'interaction avec le chien. On ne lui parle pas et on ne le regarde pas pour ne pas qu'il se sente agressé. C'est vraiment plus les attitudes générales, le déplacement et l'occupation de l'espace. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est si efficace, parce que ça permet au chien de, à la fois, garder une distance de confort s'il en a besoin, mais quand même de percevoir qu'on a cette, je dis pas que c'est conscient, mais une intention en tout cas plutôt positive vis-à-vis de lui. Et donc oui, ça marche très vite. Ça fait en tout cas des pistes. Et du coup, dans vos expériences, vous êtes aussi intéressé au rôle d'un autre sens qui joue un rôle essentiel pour le chien, qui est l'olfaction, et son implication dans le bien-être du chien. Alors je voulais voir un petit peu avec vous, à quoi est-ce que ça ressemblait cette expérience? Comment est-ce qu'on teste le rôle de l'olfaction dans le bien-être du chien? Alors, dans cette étude, c'est une étude qu'on a réalisée en collaboration avec Alexandra Horowitz, qui travaille et qui habite à New York. Et donc, on a utilisé vraiment un travail d'olfaction qui vient des États-Unis, donc qui est assez peu connu en France. Le but, c'était de proposer à des chiens de compagnie une activité basée sur l'olfaction pour stimuler ce sens, qui est normalement un sens, donc c'est essentiel chez le chien, mais les chiens de compagnie, on leur interdit souvent d'utiliser leur olfaction. Je donne un exemple tout simple. Quelqu'un qui promène son chien en laisse va pas forcément laisser le temps au chien de renifler tout ce qui l'intéresse dans la rue, tous les pipis, tous les coins, tous les arbres, tous les brins d'herbe. Voilà, les personnes souvent elles sont pressées et elles se rendent pas compte de l'importance de ces comportements-là pour leur chien. Les chiens, ils utilisent aussi l'olfaction pour se saluer et ils vont avoir tendance à aller renifler vers les parties anogénitales. Et ça, c'est un comportement que les humains ne tolèrent pas non plus. Et voilà, dans le quotidien du chien, globalement, on lui laisse assez peu la possibilité d'utiliser son olfaction. Un chien errant, un chien qui n'a pas de maître, il va passer peut-être 60-70% de son temps à chercher de la nourriture, à se déplacer, à utiliser son flair. Et nous, nos chiens de compagnie, ils sont dans nos maisons et on leur donne à manger à heure plus ou moins fixe, mais ils n'ont pas à faire ce travail de recherche alimentaire et donc ils utilisent vraiment quasiment jamais leur flair. Et d'ailleurs, une manière très simple de le savoir, c'est que les personnes qui jouent avec leurs chiens, si elles lancent la balle dans l'herbe, souvent les chiens, ils vont pas utiliser leur flair pour la retrouver. Quand ils la trouvent pas, ils reviennent vers leur maître, ils s'assoient et ils attendent que le maître aille la chercher. Alors que s'ils utilisaient leur flair, ils la retrouveraient en 10 secondes. Tout de suite. Donc c'est vraiment qu'ils ont perdu cette habitude de l'utiliser. Et donc, on a proposé une activité de nose work, donc travail du nez. Le but, c'était d'apprendre à un chien à retrouver une petite friandise cachée dans un carton. Et donc, il y avait un protocole très précis, ça durait plusieurs semaines. Les propriétaires devaient faire l'activité chez eux et ils étaient filmés et ils m'envoyaient les films tous les jours. On vérifie que le chien n'était jamais stressé pour qu'on aille au rythme du chien. Il y avait plusieurs paliers à franchir. C'était vraiment une activité où le chien doit utiliser son nez pour retrouver une friandise cachée dans une boîte de carton. Et l'intérêt de cette activité, c'est que le chien, c'est lui qui décide. Le maître, il avait comme consigne de se tenir derrière son chien, à 1 mètre derrière, de ne pas lui parler et de suivre son chien. Et quand le chien trouvait la friandise, bon, par contre, là, le chien était félicité. Il ne devait pas attendre les ordres de leur maître. C'était eux qui, entre guillemets, qui menaient la danse. Le maître les suit. Et ça, on s'est rendu compte déjà que juste ça, c'était parfois difficile pour les chiens. Certains n'osaient pas faire des choses de leur propre initiative. Et donc, on se rend compte que déjà, il y a un souci, c'est que les chiens de compagnie ont perdu ou ont peu le droit de faire preuve d'autonomie. Donc, on cumule ça, le manque d'autonomie et le manque d'utilisation d'olfaction, et on se rend compte qu'en fait, les chiens de compagnie ont peu l'occasion de faire leur comportement naturel, et pourtant ces comportements naturels sont indispensables pour leur bien-être. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à des chiens cette activité basée sur l'olfaction, et on a testé leur biais cognitif avant et après faire cette activité. Donc le biais cognitif, c'est un peu compliqué, mais ça correspond à la manière dont un individu évalue un stimulus ambigu. Chez l'humain, on va dire, c'est voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si vous êtes quelqu'un de plutôt optimiste, vous avez un biais cognitif positif, et donc face à quelque chose, un événement inattendu ou que vous ne connaissez pas, vous allez imaginer la chose la plus agréable possible. Et si au contraire vous êtes pessimiste, vous voyez toujours le verre à moitié vide, donc vous avez un biais cognitif négatif, quand vous êtes face à un événement inconnu, vous allez tout de suite imaginer le pire. Et donc, on va faire le même genre de test chez les chiens. Alors, c'est difficile parce qu'ils ne sont pas capables de parler et de nous dire ce qu'ils ressentent. Donc, on a utilisé un test qui était créé à la base pour les animaux d'élevage et qu'on a reporté pour le chien. Donc, ça consiste à présenter au chien deux pots. Donc, mettons un pot qu'on met toujours à sa droite avec de la nourriture dedans, donc un pot positif, et un pot qu'on va mettre toujours à sa gauche qui est toujours vide. Okay. Donc, c'est un pot dit négatif parce qu'il n'a pas de récompense. Donc le chien, il apprend que quand il va vers le pot de droite, il a toujours une friandise, donc c'est quelque chose de très positif. Et quand il va toujours vers le pot de gauche, c'est vide et ça sert à rien d'y aller. Et on leur présente cette situation de nombreuses fois. Alors vraiment, quand je dis de nombreuses fois, c'est que chez certains chiens, c'était plus d'une centaine de fois. Ah oui. Avant que je retienne que du côté négatif, comme c'est vide, ça ne sert à rien d'y aller. Et donc on arrive au bout d'un moment à un chien qui, quand on lui pose le pot à droite, il se dit « Oh là là, c'est le pot positif, je fonce, il va y avoir une friandise. » Et quand il voit qu'on lui pose le pot à gauche, il se dit « Bah, c'est le pot négatif, ça sert à rien que j'y aille » et il reste immobile. Quand enfin on en arrive là, on fait le test de biais cognitif. C'est-à-dire qu'on va poser un pot au milieu, donc ni à droite ni à gauche. Et on va regarder sa réaction. S'il est plutôt optimiste, il va foncer dans ce pot en se disant tiens, c'est pas le pot de droite, c'est pas le pot de gauche, donc dans le doute, allons voir, peut-être qu'il y a une friandise. Si au contraire le chien, il est plutôt pessimiste, il va se dire, off, c'est pas le pot où il y a la nourriture, donc dans le doute, n'y allons pas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les chiens, on leur a fait ce test avant de faire du nose work, et on l'a fait après. Et on s'est rendu compte de manière très claire que les chiens qui avaient fait une activité d'olfaction, ils étaient plus optimistes après la période où ils avaient fait. On a aussi fait attention à ce qu'il n'utilise pas son olfaction pour s'orienter vers le pot du milieu. Mais bon, ça, de toute façon, on est sûr, parce que si les chiens utilisaient leur olfaction pour aller vers le pot du milieu, ils arrêteraient d'y aller parce qu'ils sentiraient qu'il est vide, en fait. Ce pot ambigu, il n'a jamais de nourriture dedans. Mais les chiens qui ont fait du travail d'olfaction pendant 2 semaines, ils foncent vers le pot du milieu parce qu'ils sont très optimistes, parce qu'en fait, le fait d'avoir passé 2 semaines à faire tous les jours un peu d'olfaction, à gagner en autonomie, à augmenter leur temps de travail de leur nez, donc à avoir plus de comportements naturels, bah finalement, ça les a rendus plus optimistes. Et ça, en éthologie, c'est ce qu'on appelle une amélioration, une augmentation du bien-être. Et c'est des tâches qui n'impliquent pas de l'olfaction, mais des tâches où on fait aussi travailler le chien en autonomie, est-ce qu'il y a des chances que ça augmente leur bien-être également, ou c'est vraiment l'olfaction qui est déterminante ? Alors, moi, je pense, là, ça va être mon avis parce que je ne connais pas d'études scientifiques là-dessus, mais mon avis est que quand on parle de bien-être, un des critères essentiels pour le bien-être d'un individu, qu'il soit un animal non humain ou un humain, c'est ce qu'on appelle le coping style, donc la capacité de prendre des décisions pour sa propre vie, donc la capacité d'être acteur de sa vie et donc d'être autonome. Ça, c'est validé en psychologie, chez l'humain, c'est essentiel, et chez les espèces captives, c'est hyper important. Donc, je pense que pour le chien, c'est la même chose. C'est-à-dire que le fait d'avoir de l'autonomie, du contrôle sur sa vie, ça améliore le bien-être. Il y a une étude qui a été faite en Inde, qui est extrêmement intéressante. Alors, elle montre pas que l'autonomie augmente le bien-être, mais elle montre l'inverse. Elle a montré que la perte d'autonomie, ça réduit le bien-être. En fait, ils ont fait une étude sur des chiens errants, qui étaient en liberté, donc dans une ville en Inde, et qui ont été récupérés par une association, qui ont été adoptés par des familles, et qui sont restés donc dans la même ville. Et ils ont observé ces chiens avant et après l'adoption. Et c'est ça qui est génial dans cette étude, c'est qu'on peut voir le même chien. On a vraiment le suivi du comportement du chien sur 6 mois. Et donc, ils ont montré en fait que tous les chiens des rues, finalement, une fois qu'ils étaient adoptés, ils avaient une énorme augmentation des problèmes de comportement. Ils se mettaient à courser les gens, les vélos, agresser les autres chiens. Des comportements qu'ils n'avaient pas du tout lorsqu'ils étaient libres et errants dans les rues. Et donc les auteurs concluent que en fait c'est leur perte d'autonomie, d'indépendance qui a fait l'augmentation de ces problèmes de comportement-là. Et on sait que chez le chien de compagnie, l'augmentation des problèmes de comportement est liée à un faible bien-être. Et donc on sait que priver un chien de son autonomie, ça peut réduire son bien-être. Donc je pense clairement que n'importe quelle activité qui va favoriser l'autonomie chez le chien peut améliorer son bien-être. Et du coup, je conseille souvent aux gens s'ils peuvent de temps en temps faire des balades, les balades autonomes où on va suivre son chien, et c'est le chien qui choisit un peu le chemin qu'il veut prendre. On va se dire pendant 1 heure, par exemple, c'est mon chien qui décide et je le suis. Bah, ce genre de choses, je suis sûre que ça améliore leur bien-être. Ouais, et puis du coup, il faut laisser un petit peu le choix au chien, quoi. C'est vraiment ça qui semble important. Oui, le plus possible en fonction du quotidien et des possibilités de chacun. Mais c'est vrai que de temps en temps, leur laisser du choix, ça améliore leur bien-être. Et finalement, du coup, ça renforce la relation que vous avez avec eux. Ça, c'est sûr. On vous laisse chanter et hurler à la lune le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on vient tout de suite sur Campus. 1, 2, 3, 4. Ma mamie me donne tellement de trucs avec des chats dessus et même un vrai chat. Mais le plus intéressant c'est quand même la tasse et l'oreiller et l'assiette et le magnète et la serviette. Moi, tous ces chats quand tu n'es pas là qui me regardent, je me sens seule comme sur une chaise à la boue du collège. Avec des chiens dessus et même un vrai chat. Mais le plus intéressant, c'est quand même la tasse, l'oreiller, l'assiette, la magnette et la serviette. Moi, tous ces chiens, lorsque tu es loin, qui me regardent, je me sens vide comme un casier à la fin du lycée. Dans ma panière, y a tes chaussettes, faudrait les laver. Comme tous ces chiens, oui, tu seras comme tous ces chiens morts vivants. C'était Comme chat et chien du groupe Boost 3000. Vous êtes toujours sur Campus FM dans la deuxième partie du Nid de Pi. Je suis avec Charlotte Duranton, docteur en éthologie, formatrice, qui vient nous parler du nouveau tournant dans sa carrière qui l'a amené à étudier la figure du chien psychopompe à travers le prisme de la littérature de jeunesse. Alors, on pourrait penser qu'on connaît tout du comportement du chien depuis le temps qu'il vit à nos côtés, mais on l'a un peu aperçu, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Alors, vous avez aussi été formatrice. Du coup, moi, je me demandais quelles sont les idées reçues que vous avez rencontrées le plus souvent par rapport au comportement du chien. Alors, il y a plusieurs idées reçues, enfin, il y en a vraiment beaucoup, mais là, je vais me concentrer surtout sur deux idées reçues. La première, c'est toutes les personnes qui sont contre le travail ou l'éducation avec la nourriture, parce qu'ils pensent qu'il faut que le chien leur obéisse pour eux-mêmes et pas pour obtenir de la nourriture. Et en fait, c'est que souvent, les personnes qui utilisent la nourriture l'utilisent pas forcément d'une bonne manière, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour appâter le chien, pour le leurrer et pour le forcer à faire des choses qu'il n'a pas forcément envie de faire. Et du coup, le chien, quand il n'y a plus de nourriture, il n'a plus envie de faire ce qu'on lui demande, parce qu'il n'est pas bête et qu'il voit bien qu'il n'y a pas la nourriture. Mais ça, c'est une manière un petit peu facile mais erronée d'utiliser la nourriture si elle est utilisée comme récompense plutôt que comme leurre. Quand le chien a fait quelque chose de bien, ça va lui permettre d'associer un comportement à une conséquence positive. Et au début, il a besoin de la nourriture pour faire ce comportement, mais à force, il va vraiment l'apprendre et le connaître par cœur et il va se mettre à le faire sans nourriture. Alors au début, par exemple, on va le récompenser à chaque fois qu'il fait le comportement qu'on souhaite. Donc 100% des cas, on le récompense. Et une fois qu'il le fait de manière très régulière, on va commencer à réduire la fréquence des récompenses. Donc on va lui donner une fois sur deux, une fois sur trois. Et au bout d'un moment, on arrive sans aucun problème à se passer de la nourriture parce que le chien a appris que c'était un comportement agréable et on peut le récompenser à la voix, lui faire une petite caresse s'il aime les caresses. Mais les gens ont toujours cette peur très ancrée, je ne sais pas pourquoi, que si on travaille à la nourriture, on ne peut jamais s'en passer et que le chien, il fait ça que pour la nourriture et que jamais il va être capable de nous écouter en dehors de cette friandise. Mais quand c'est bien fait et qu'on lui apprend à s'en passer, il n'y a vraiment aucun problème. Donc ça, c'est une des premières idées reçues. Et la deuxième grande idée reçue sur laquelle je vais me focaliser, c'est le fait que on parle énormément de cette notion de dominance, de hiérarchie entre les humains et les chiens. Donc le problème de cette idée reçue, c'est que, voilà, on va l'entendre énormément, les gens qui vont dire « le chien doit être soumis à son maître, il doit être en bas de la hiérarchie de la famille, sa famille c'est comme sa meute, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'il vous domine pas ». Voilà, ça on l'entend. Au fait que le chien doit manger après l'humain, il y a des choses comme ça où des gens prétendent que voilà, il faut imposer au chien d'être servi en second pour qu'il comprenne sa place. Il y a beaucoup de gens qui racontent ça, mais... Ah oui. Alors moi, j'ai même entendu des choses près. Enfin, donc, le chien doit manger après, que le chien doit passer les portes toujours après l'humain, que c'est pas lui qui doit décider quand est-ce qu'il a une caresse, quand est-ce qu'il joue, quand est-ce qu'il sort. Donc, il y en a même qui donnent des conseils assez violents pour asseoir, entre guillemets, la soi-disant la dominance sur le chien. Et du coup, non seulement c'est une idée reçue, mais en plus, elle a des conséquences très néfastes pour la relation qu'on a avec son chien. Priver un chien de spontanéité dans nos interactions, c'est très très dur. Chez l'humain, c'est de la maltraitance psychologique. Bah oui, complètement. Donc chez le chien, c'est pareil. Et donc le problème de cette idée reçue, c'est pas seulement qu'elle est fausse scientifiquement, ça à la limite, c'est pas, on s'en fiche, mais c'est vraiment le fait que elle a des conséquences négatives sur le bien-être du chien. Et donc cette histoire de dominance homme-chien, au final, ça n'existe pas du tout. On est d'accord que la dominance entre deux animaux d'espèces différentes, ça n'existe pas. Alors, il est reconnu parmi les éthologues et tous les biologistes, la dominance et la hiérarchie, qui sont deux notions différentes, même si très liées, ne sont présentes qu'entre individus de la même espèce. Et ça va même plus loin que ça. Ça n'est pas... Il faut aussi que ce soit des membres d'un groupe stable. Parce qu'en fait, lorsqu'il existe hiérarchie ou dominance, le but de ces rapports très fixes, c'est de réduire au maximum les conflits et les potentielles situations de conflit d'un groupe. Donc en fait, quand on dit « toi t'es le chef et c'est toi qui auras toujours à manger en premier », c'est pour réduire les risques de conflit. Le problème pour ça, c'est donc c'est entre individus d'une même espèce, parce qu'il faut avoir les mêmes codes de communication. C'est aussi entre groupes stables, parce que il faut que ce soit des individus qui interagissent très régulièrement pour pouvoir instaurer des relations très claires comme ça. Mais le vrai problème, c'est que les gens ne savent même pas ce que c'est vraiment que la hiérarchie et la dominance. Parce qu'en fait, la hiérarchie, c'est vraiment un concept avec... Enfin, il y a une vraie définition qui se repose sur beaucoup de critères. Pas seulement sur qui gagne la bagarre, c'est aussi qui a accès à la reproduction, qui a accès à la nourriture. Et il y a des hiérarchies qui sont non fixes. Par exemple, dans certains groupes, vous pouvez observer une hiérarchie pour l'accès à la reproduction, mais pas pour l'accès à la nourriture, parce que ça dépend de l'environnement dans lequel on vit. Si on vit dans un environnement où il y a de la nourriture à foison, il n'y a pas besoin de décider qui va manger en premier, parce qu'il y a tellement de nourriture que de toute façon, tout le monde peut avoir à manger. Et donc le problème, c'est que les gens ont l'impression que la hiérarchie, la notion d'hiérarchie, est quelque chose de très figé, un peu comme l'armée en France, mais en fait... C'est quelque chose qui change. Il peut y avoir des hiérarchies différentes entre les mâles et les femelles. Nous, quand on pense hiérarchie, on pense toujours à il y a un chef, un sous-chef, etc., jusqu'au sous-fifre tout en bas de la chaîne. Mais il existe des hiérarchies où c'est circulaire, donc ça va être A domine B, B domine C, mais C domine A. Donc ça n'a pas de sens dans ces idées reçues. Les gens ne pensent pas à toute cette multiplicité-là de types de hiérarchie. Mais bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que chez le loup et chez le chien, cette notion même de hiérarchie entre loup ou entre chien est remise en cause. Et entre humain et chien, elle est complètement non validée pour le moment, scientifiquement, c'est sûr que non, parce que nous ne sommes pas de la même espèce, nous ne communiquons pas pareil, nous ne pouvons pas reproduire ensemble, et donc c'est une notion qui n'a pas de sens biologique, en fait. Et pourtant, c'est quand même une idée qui subsiste beaucoup dans les cercles et le monde du chien, malgré tout. Oui, alors c'est une idée qu'on voit partout, parce qu'en fait, elle a plusieurs avantages, elle a l'avantage de la simplicité. Pourquoi se creuser la tête à chaque fois que mon chien a un problème de comportement ? Il me suffit de dire « il est dominant ». Et ça évite de remettre en question le rôle de l'environnement que l'humain offre au chien. Peut-être que si le chien présente tel problème de comportement, c'est parce qu'il n'est pas bien. Ou c'est parce que je n'ai pas compris ce qu'il essaye de me communiquer. Mais ça demande une remise en question. De se dire que de toute façon, tout ce qui fait de mal, entre guillemets, c'est parce qu'il est dominant, ça évite la remise en question. Donc c'est une solution de facilité. Et les gens ont tendance à vouloir des solutions clés en main, parce que c'est rassurant en fait. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles elles perdurent autant. Ensuite, ça perdure énormément parce que c'est comme un cercle vicieux, on pourrait dire. Dans le milieu du chien, c'est une notion qui est très présente, mais elle a réussi à déborder, entre guillemets, dans d'autres milieux. Par exemple, dans tout ce qui va être les cultures médiatiques, au cinéma, dans les films, dans les séries télévisées, dans les livres, on la retrouve énormément, cette notion. Tout ce qui va parler, par exemple, dans la fantasy, des livres qui mettent en scène des loups-garous, vont parler de dominance. Hein. On voit très souvent le nom de Alpha, oui, ça le chef beaucoup. De meute, etc. Voilà, on le voit dans de nombreuses séries, donc des séries télé, comme par exemple True Blood, il y a des loups-garous, et donc il y a toute cette notion d'organisation en meute figée avec une hiérarchie extrêmement dure et violente. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que déjà, en général, ces meutes de loups, ce sont des familles, avec les parents qui ont une sorte d'autorité parentale, on pourrait dire, mais c'est normal du coup que les parents soient les seuls à reproduire parce que les autres dans leur groupe, ce sont leurs petits. Donc ils reproduisent pas ensemble. Bon, on sait tout ça, scientifiquement on le sait que ça n'a pas de sens, mais ça perdure dans les productions culturelles et médiatiques, et donc ça reste ancré dans l'esprit des gens, et du coup quand les gens en viennent à avoir un chien, ils ont déjà tout cette espèce de background qui est ancré en eux, et donc c'est plus facile pour eux de s'orienter vers cette idée reçue-là, en fait. Mais c'est drôle aussi parce que donc ça perdure, mais ce sont quand même souvent des choses qui sont attachées au loup, alors que finalement le chien a un mode de vie quand même très différent. Donc on a transposé les comportements que l'on pense fonctionner sur une espèce sur une autre, alors que la domestication a quand même changé pas mal de choses. Alors oui, tout à fait, parce que on se disait, donc, le loup vit comme ça, hop, je décide que le chien, c'est pareil. Ça n'a absolument rien à voir, parce que les groupes de chiens ne vivent pas du tout en famille comme ça. Hein, les mères chiens, elles arrêtent de s'occuper de leurs petits environ vers 2 mois. Il y a plusieurs études qui le valident sur des groupes de chiens errants. Les chiens ne s'occupent pas de leurs petits sur du long terme et ils ne restent pas du tout en gros groupes de famille comme ça. Les chiens, c'est plutôt des groupes de quelques individus et qui vont changer. Quand vous observez un groupe de chiens errants, vous pouvez revenir 6 mois après, ce sera plus du tout le même groupe. Il y aura des individus qui auront quitté le groupe, des individus qui seront arrivés. Donc, ils fonctionnent vraiment pas du tout pareil. En plus, donc on a le loup qui fonctionne pas comme les chiens errants, mais en plus, on a les chiens de compagnie qui vivent dans nos foyers, qui fonctionnent pas du tout comme les chiens errants, parce que ils n'ont pas du tout la possibilité de choisir quand est-ce qu'ils vont se reproduire. En général, on les sépare de leurs petits, de toute façon, quand on va les donner ou les vendre. Quand ils vivent dans une famille, la majorité du temps, ils sont seuls. Mettons que les personnes ont plusieurs chiens, ce sont souvent des chiens de race ou de type de chiens différents, ou en tout cas, ce ne sont pas des frères et sœurs. Quoi qu'il arrive, ça va être des chiens qu'on a adoptés plusieurs années d'écart. C'est très très rare qu'en fait, on ait vraiment des familles de chiens qui restent ensemble. Et de toute façon, quoi qu'il arrive chez les chiens, à la puberté, ils sont faits pour quitter le groupe. Donc de toute façon, voilà, tout le modèle d'organisation sociale du loup ne s'applique pas du tout aux chiens errants et encore moins aux chiens de compagnie. Donc c'est vraiment une aberration de penser que ça fonctionne de la même manière. Et pourtant, on le retrouve partout et on l'entend partout. Ça perdure. Oui. Alors on l'a un petit peu évoqué, mais donc aujourd'hui vous enseignez le français et vous êtes plongé dans un tout autre domaine d'études qui est la littérature. Et vous étudiez à l'université d'Artois sous la direction d'Anne Besson la figure du chien psychopompe dans la littérature de jeunesse. Psychopompe, qu'est-ce que ça veut dire ? Psychopompe, en fait, ça va être une entité qui guide l'âme humaine vers le royaume des morts. C'est extrêmement étudié dans tout ce qui est lié à la mythologie, par exemple la mythologie égyptienne, ou aztèque, ou même les mythologies chinoises. On retrouve beaucoup de figures de chiens psychopompes qui ont comme rôle de protéger l'âme d'un humain qui vient de mourir et de le guider en sécurité vers le royaume des morts. La figure du chien psychopompe, par contre, elle est un petit peu moins étudiée en littérature, mais pourtant elle est présente. C'est en fait vraiment le fait qu'elle soit étudiée dans l'aspect religieux. Il n'y a pas vraiment ce lien avec la littérature fantasy, parce que moi je travaille vraiment sur la littérature fantasy. Donc je suis partie du principe que le chien, dans la vraie vie, de par mon expérience d'éthologue avant et au contact des chiens, ce sont vraiment des guides, nos chiens. Ils sont utilisés en médiation pour nous aider à aller mieux quand on a des soucis ou si on est atteint de certaines maladies. On sait que les gens ont moins de stress, moins de soucis de santé quand ils ont un chien. Donc les chiens, ils ont un petit peu déjà ce rôle de guide pour nous aider à être en sécurité, à nous protéger, entre guillemets. Et je voulais voir si ce rôle-là qu'on a dans la vraie vie, entre guillemets, se retrouve dans la littérature. Et le lien avec la mort, le fait que les chiens psychopompes, même dans la vraie vie, ils ont déjà ce rôle-là. Parce que souvent, quand vous êtes enfant, le premier rapport avec la mort que vous allez avoir, ça va être celui de votre animal de compagnie qui meurt. Et donc, on va dire, si vous avez un chien, bah, votre chien va être peut-être votre premier contact avec la mort. Et donc, c'est une manière déjà de guider et d'ouvrir le cheminement du rapport et de l'acceptation de la mort pour les humains. Donc, les chiens, dans notre vraie vie, ont cette espèce de rôle psychopompe. Et donc moi j'ai voulu étudier ça au niveau de la littérature fantasy. Bon déjà parce que c'est une littérature de cœur, c'est à laquelle je suis le plus attachée. Personnellement j'adore. Mais également parce que c'est une littérature qui est en train d'exploser de nos jours. Vraiment, dans la littérature pour la jeunesse contemporaine, on trouve de plus en plus de séries et d'œuvres de fantasy. Et c'est également une littérature qui est basée sur l'imaginaire. Et en général, on va dire, quand on pense à tout ce qui est imaginaire, on évite de penser aux choses qui nous angoissent le plus, hein, c'est pour s'évader. Et le rapport à la mort, très souvent, pourrait être éludé, par exemple, de ce genre d'univers. Et donc le but, ça a été de voir, est-ce que le chien qui a un rôle de psychopompe dans la mythologie, qui a un rôle de psychopompe dans la vraie vie, est-ce que quand on observe la littérature fantasy, on retrouve ce rôle du chien, ou est-ce que finalement il est simplement représenté comme un compagnon, un compagnon qui sert pas à grand chose, mais qui est là avec nous pour nous rassurer, ou mais voilà, sans ce rapport vraiment plus explicite à la mort. Donc voilà ce sur quoi je travaille. Sachant que pour repréciser la fantasy, parce que c'est vrai que des fois il y a des confusions avec fantastique, avec SF, la fantasy c'est vraiment un univers différent d'une autre, où il y a de la magie bien souvent, c'est ça ? Alors c'est pas forcément un univers différent d'une autre, parce qu'il y a plusieurs types de fantasy. On va dire que c'est un univers dans lequel la magie est quelque chose de normal et d'accepté. Le fantastique, ça va être quand tout ce qui va être manifestation magique, c'est un petit peu... c'est pas normal, c'est où on n'arrive pas à l'expliquer. Alors que dans la fantasy, le surnaturel, ça fait totalement partie de l'univers, c'est totalement accepté par les personnages. Et donc, c'est cette figure de chien psychopompe, est-ce que c'est quelque chose qui est assez répandu dans les ouvrages de fantasy ? Au début, quand on a commencé à travailler dessus, on pensait que c'était assez peu répandu. Parce que, en général, quand on pense fantasy, on va penser aux licornes, aux dragons, toutes les créatures nobles de l'imaginaire collectif, en fait. Et les chiens, on n'y pense pas forcément. À la limite, on pense beaucoup plus aux loups, par exemple avec le cycle de la Moïra, ou dans l'Assassin Royal, il y a beaucoup de loups qui sont présents, parce que le loup a ce côté mystérieux et noble. Mais le chien, on n'y pense pas forcément. Finalement, on s'est rendu compte que dans de très nombreuses séries de littérature de fantasy, il existe des personnages de chiens psychopompes. Alors, je l'ai étudié à la fois dans la littérature pour adultes et également dans la littérature pour la jeunesse. Et vraiment, dans ces deux types de littérature, on retrouve ces personnages de chiens psychopompes qui sont là et qui remplissent différents rôles. Ce qui se dessine, en fait, c'est que le chien psychopompe en fantasy, il va avoir trois rôles. Il va avoir un premier rôle qui est le rôle de guide, donc très proche de son rôle dans la vraie vie. Et là, du coup, il utilise les comportements naturels comme son olfaction, parce qu'il va guider son humain, lui permettre de trouver des solutions lorsqu'il est dans des situations qui lui semblent insolubles. Il va lui permettre d'éviter des pièges, de sentir s'il y a quelque chose d'anormal, avec soit son olfaction extrêmement développée, soit carrément un sixième sens, on va dire. Donc il va guider son humain pour faire en sorte que celui-ci survive et puisse accomplir son destin. On a aussi un autre rôle de ce chien psychopompe qui va être, cette fois-ci, plus direct avec la mort, parce qu'il va être un chien protecteur. C'est-à-dire que lorsque son humain est confronté à un danger réel, le chien va vraiment arriver pour le protéger. Il va utiliser, donc là encore, des comportements naturels de chien, en utilisant ses crocs, tout son panel de prédateurs, en fait, parce que le chien, c'est un prédateur à la base. Il va être capable d'attaquer la menace pour protéger son humain. Dans les œuvres comme l'Assassin Royal ou aussi dans Harry Potter ou les dossiers Dresden, il y a beaucoup de descriptions de chiens qui grondent, qui sont impressionnants par leur taille. Ce sont souvent des grands chiens noirs ou gris et qui vont être très menaçants, toujours dans cette volonté de lui éviter de mourir afin qu'il puisse accomplir son destin. Et ensuite, le rôle vraiment de chien psychopompe à son paroxysme, donc plus lié à la mort, ça va être celui que j'appelle dans mes recherches le chien psychopompe pont, qui fait directement le pont entre le royaume des vivants et le royaume des morts. Et donc, c'est un chien qui, soit il va accompagner son humain lorsque celui-ci va dans le royaume des morts. Hein, ça, c'est le cas, par exemple, dans la série des dossiers de Dresden. C'est le cas, par exemple, dans la série de Frigiel et Fluffy. C'est une série de fantasy qui raconte les aventures d'un petit garçon et de son chien. Et à un moment, ils vont dans un univers, le Nether, qui est l'équivalent du royaume des morts. Et son chien réussit à l'accompagner. Donc, c'est un chien qui est capable de suivre son humain, même chez les morts, pour continuer à le guider et à le protéger. D'ailleurs, on a dans la série qui est très connue, les Royaumes du Nord, on a ce symbole de chien psychopompe qui apparaît parce qu'il y a un moment, dans le troisième tome, quand Lyra, l'héroïne, elle doit aller au Royaume des Morts, elle va devoir laisser son Daemon au bord du fleuve parce que il ne peut pas l'accompagner pour aller au Royaume des Enfers. Et ce qui est très intriguant, c'est que son démon qui n'a pas encore pris de forme fixe et qui change sans arrêt, parfois il va être une hermine, parfois il est un insecte. Ouais, complètement. Voilà, exactement. À cet instant, quand elle part au royaume des morts et qu'elle est obligée de s'en séparer, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de la suivre, il insiste et en fait, il se transforme en chien. C'est le seul moment des trois tomes où il se transforme en chien. Parce que c'est comme si la meilleure chance qu'il a de pouvoir la suivre, c'est d'essayer d'être un chien psychopompe. Alors lui, il n'y arrive pas encore parce qu'il n'est pas assez expérimenté. Mais voilà, mais c'est marrant de retrouver ce symbole-là. Et donc, on le retrouve aussi dans Harry Potter, parce qu'Harry Potter, Sirius, qui est le parrain de Harry, quand il va mourir à la place de Harry, il lui évite de mourir. Il a ce rôle de protecteur et de lien avec le royaume des morts, mais ce qu'il a comme spécificité, c'est qu'il se transforme en chien. Il a son avatar qui est Patmol, il est un animagus qui peut se transformer en chien. Et du coup, c'est étonnant de voir que la personne qui se sacrifie, qui donne sa vie à la place de celle de Harry, a la capacité de se transformer en chien. Et on a aussi une autre série qui est française, c'est les Tara Duncan. L'héroïne Tara, qui est une sorcière, une sorcelière exactement, son grand-père a découvert un sort pour être immortel, donc un sort pour vaincre la mort. Et l'effet secondaire, entre guillemets, de ce sort, c'est d'être transformé en chien. Comme si le chien était le seul être à pouvoir, comme ça, vaincre la mort, accompagner l'humain dans le royaume de la mort et en ressortir vivant, en fait. Hein, c'est vraiment cet aspect-là qui est très important. On a aussi des figures de chiens psychopompes qui sont plus emblématiques et plus connues du grand public, comme le chien Cerbère. Ce chien à trois têtes de chien qui garde l'entrée des enfers. Vraiment, voilà, lui, il protège l'harmonie, l'équilibre entre le royaume des morts et le royaume des vivants. Donc celui-là, il est très connu, on le voit dans énormément de livres de fantasy, notamment dans Harry Potter, hein, encore une fois avec Touffu, qui garde l'entrée au sous-sol de Poudlard avec la pierre philosophale. Donc en fait, il garde l'entrée à ce qui va permettre de contrôler la vie et la mort. Donc on est toujours vraiment voilà dans ce rôle de chien psychopompe qui fait le lien entre la vie et la mort. Finalement, ça permet de faire le lien entre l'éthologie et les comportements des chiens, la place des chiens dans notre société, dans notre vraie vie, et finalement la place qu'on lui accorde dans ces mondes imaginaires, où finalement, ben, même dans les aventures les plus folles qu'on peut imaginer vivre, le chien il est toujours là, il est toujours à nos côtés, toujours en train de nous guider, de nous rassurer, et toujours dans ce rôle de chien psychopompe qui nous permet d'apprivoiser la mort, entre guillemets, de l'accepter, et de mieux vivre. Et voilà, je trouve que c'est vraiment extrêmement passionnant. Et puis c'est assez fou, parce que là, on parlait de Cerbère, ce sont des représentations très anciennes, c'est pas quelque chose qui est apparu au début du XXe siècle en se disant « pouf, le chien psychopompe », c'est vraiment quelque chose d'ancien et qui perdure aujourd'hui. Oui, c'est très ancien. Alors quand on s'intéresse à tout ce qui est les mythes autour des différentes pratiques religieuses, c'est même tellement ancien qu'il y avait aussi des chiens sacrificiels qu'on sacrifiait pour accompagner l'âme d'un mort, ou aussi pour faciliter la naissance, pour la fertilité, parce que le chien, donc du coup, dans ce rôle de pont, il fait le pont de la vie vers la mort, mais également de la mort vers la vie. Et ça, ça a été repris récemment dans des films d'animation, par exemple dans Coco, on a Dante, le chien du personnage principal, qui lui est capable d'aller dans le royaume des morts et il se transforme en alébriché là-bas, mais il est capable de faire les allers-retours et de revenir dans le royaume des vivants. On a aussi dans tous les films de Tim Burton, à chaque fois il y a des chiens, hein, dans l'étrange Noël de Monsieur Jack on a Zéro. Ouais. Exactement. Et on a aussi Scraps, le chien qui est un chien squelette dans les Noces funèbres. Donc, même quand on est dans un royaume comme ça, le royaume des morts, les chiens, ils sont toujours présents, ils ont toujours ce rôle-là, et ils sont capables de faire les allers-retours entre les différents mondes. Hein, ils ont vraiment cette valeur-là qui est très ancienne, effectivement, on la retrouve dans de nombreuses mythologies, tout ce qui est de nombreuses religions, chez les Grecs, chez les Romains, en Égypte, donc en Chine, je l'ai déjà dit, parce qu'il y a par exemple des espèces de chiens qui sont les gardiens de l'entrée des cimetières, pour être sûr que les âmes des morts ne s'échappent pas dans le royaume des vivants. Et ce qui est génial, c'est qu'on le retrouve de nos jours dans cette littérature fantasy. Donc on l'a évoqué, c'est vrai que ce côté à la fois éthologie, fantasy, finalement on voit qu'il y a quand même plein de choses qui les reconnectent entre elles. Et vous avez participé en 2019 à l'organisation à l'université d'Artois d'un colloque un peu unique en son genre, qui est justement au croisement de ces deux disciplines, l'éthologie et la littérature, sur les représentations animales dans les mondes imaginaires. Je voulais savoir ce que vous pensiez à quel point est-ce que ces deux domaines d'études ont tout à gagner à se mélanger davantage. Alors oui, ce colloque qu'on a co-organisé avec mes collègues Laura Muller-Thomas et Marie-Lucie Bougon, c'est un colloque qu'on a voulu être interdisciplinaire, parce que je pense que dans la recherche et même en général, les gens oublient qu'on peut tous s'apporter les uns les autres. Avoir des points de vue et des approches différentes, finalement, c'est extrêmement important, parce que je trouve que tout est toujours lié et... comme la littérature s'est faite par les humains, notre comportement c'est lié à l'éthologie, notre relation avec les animaux c'est lié à l'éthologie, c'est lié également à la sociologie, c'est lié à la psychologie, et forcément que ça va transparaître dans les productions culturelles de manière générale. Et je pense qu'on a toujours à y gagner, dans quelque domaine que ce soit, à s'associer, à se mélanger. Ça ouvre l'esprit, en fait. Ça permet d'avoir un nouveau regard sur les choses. Ça permet de ne pas être que dans le même milieu, avec les mêmes idées. Ça apporte une ouverture d'esprit qui, je pense, de manière générale dans la vie, est une des valeurs les plus importantes. Il faut être ouvert d'esprit, il faut s'intéresser à ce qu'il y a ailleurs que notre domaine de spécialité. C'est toujours enrichissant de discuter, d'échanger les points de vue et les opinions, même si c'est divergent, avec d'autres personnes. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire dans ce colloque, parce que c'est vrai que mélanger une science dure et les sciences de la littérature, c'est pas forcément quelque chose de courant, mais finalement ça a extrêmement bien marché. C'était très enrichissant d'avoir des conférences qui parlaient de l'éthologie et des conférences très littéraires, et on a eu aussi vraiment cette articulation entre les deux. Donc je pense que là, dans le cadre de la représentation animale en littérature, c'était vraiment quelque chose, une énorme plus-value que de mélanger ces deux univers. Et pour finir, quels sont vos derniers projets en date ? Alors toujours dans cette volonté d'allier différents univers et de relier ma vie d'éthologue et ma nouvelle vie dans la littérature. Donc j'ai écrit un livre qui cumule un petit peu les découvertes en éthologie sur le comportement du chien, et surtout qui est en français, parce que en science on a beaucoup d'ouvrages en anglais, mais moi je trouve que c'est très important que la connaissance soit accessible à tous. Et ce projet, il fait le lien vraiment avec mon ancienne vie et ma nouvelle vie que je veux dédier à la littérature et aux livres. Donc mes futurs projets sont l'écriture de livres pour enfants et des romans. Voilà, j'aimerais m'orienter là-dessus. Rester dans la recherche en littérature, bien sûr, et le métier de professeur de français qui m'épanouit énormément parce qu'il y a beaucoup de transmission aux plus jeunes et d'éveil des esprits, leur donner le goût de la lecture, le goût de la recherche. Voilà, ce sont vraiment les choses qui m'animent maintenant, et je veux vraiment dédier ma vie à tout ce qui est lié autour de l'objet et de l'univers du livre et de la littérature. Donc plein de belles lectures à venir. Donc oui. Ce qui fera sans doute l'objet de prochaines émissions avec ces nouvelles productions que l'on a hâte de découvrir. Avec plaisir. Merci beaucoup Charlotte pour cette plongée multiple et passionnante dans la vie et les représentations du chien. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous conseiller deux ouvrages. Je vous recommande l'ouvrage de Charlotte, qui vient tout juste de sortir. Il s'agit de l'ouvrage « Le comportement de mon chien » par Charlotte Duranton, édité par Earth Media. Cet ouvrage de 144 pages, tout en couleurs, comporte photos et encarts pratiques pour appliquer tous les bons conseils dispensés par Charlotte. Il est question de communication avec l'humain, entre chiens, des différents types de chiens, mais aussi du comportement de votre chiot ou de votre chien âgé. Les dernières connaissances en matière d'éthologie du chien sont ainsi rendues claires et accessibles, c'est donc un incontournable. Enfin et pour finir, sachez que l'intégralité des conférences données lors du colloque co-organisé par Charlotte à l'université d'Artois, représentation animale dans les mondes imaginaires, a été publiée sous la forme du numéro 9 de la revue Fantasy Art and Studies, intitulée Amazing Beasts, animaux fabuleux. Vous pourrez y retrouver des articles académiques de littérature sur la structure des meutes de loups-garous dans les romans de Bitlit, sur la figure du chien psychopompe dans Harry Potter, mais aussi sur la symbolique du phénix dans la saga Hunger Games, la représentation du blaireau dans la littérature de jeunesse, ou encore une analyse des démons dans la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Le tout est entrecoupé d'illustrations originales et de courtes nouvelles et BD de fiction. Le numéro est consultable en ligne gratuitement, mais peut aussi être commandé via le site fantasyartandstudies.wordpress.com. Et c'est déjà la fin de notre émission. Notez que le son de cette émission était un poil particulier puisque tout a été enregistré en système D sans passer par les studios de campus. Un très grand merci à Thomas Delafosse qui a chapeauté mon montage et mon mixage hésitant, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenipi.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.